à C'est fou pour l'écouter. 89.1. Bonjour et bienvenue à la portion nouvelles entrées des Palmarès C'est fou pour la semaine du 25 au 1er octobre 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania. Encore une autre semaine à passer ensemble à 4 heures d'émission des Palmarès, toujours du lundi au jeudi pour accompagner tous les dîners de semaine. C'est ce qu'on aime faire ensemble. Sandwich comme à chaque midi. Les petits craquelins. Les petits craquelins. C'est bon, les petits craquelins. Les petites carottes. Des biscuits Graham, sinon des fois. Ouais. Les petits oursons. Vos petits morceaux de fromage. Et le yogourt. Ah ben oui, clairement. Et voilà. On a essayé cette semaine avec de la salsa, là. On a pris du yogourt nature. Ça fait la job comme la crème sauce, c'est bon. Oui, c'est vrai. Voilà, donc aujourd'hui, dans la portion nouvelles entrées, on a pas mal de nouvelles choses du côté anglophone. Je compte 4 nouvelles entrées, dont Aaron Delessio, Trailer Trash Tracy's, Emily Haynes and the Soft Skeleton, ainsi que Teen Anger. Et du côté francophone, eh bien, on semble pouvoir en compter 5 nouvelles, dont Tire le Coyote, Rosie Vallant qui fait un retour dans les palmarès et Ruby Bernal. Ok, oui, en 20e place anglophone, tout à l'heure, on entendra Teen Anger avec une pièce de leur album Teenager. Oui, l'un est un jeu de mots, l'autre est ce que les gens pensent que c'est leur nom parce qu'ils pensent qu'il y a une faute dedans. Exactement. Donc Teenager. La pièce s'appelle Fun Forgot. Et du côté francophone, eh bien, on commence en 20e avec Rudy Bernard et Vanity Song. Ah, au palmarès, c'est fou! 89 FM! Réflexe subversif, c'est pas vitif. Esthétique, magnifique, dans le miroir magique, un charme énigmatique, des mimiques excentriques. Réfléchis. Et de libertinage dans la nuit sauvage. Angélique, le classique, caprice psychédélique, des éclats sardoniques, kaléidoscopiques. Enchanté, bariolage, grimage, maquillage, la fête des mirages, des masques sans visage. Miroite-moi, aime-moi, s'il te plaît, fais-moi croire, admire et emmène-moi loin d'ici. Miroir, miroir, c'est ce soir, capture-moi, fais-moi choix, je veux voir.

body and like how it moves and stuff. So if like, would you be cool with like taking your shirt off while singing? Like, just because for the role really like requires it. Right. Is that something everyone's doing? Yeah, totally. Soft Skeleton. L'album s'appelle Choir of the Mind, la pièce Statuette. Évidemment, Emily Haynes, qu'on connaît entre autres de Metric et de Broken Social Scene. Là, c'est mon band solo et enfin, elle est solo avec du monde. And the Soft Skeleton, c'est comme oui, ça. Oui, son ça, band. Ben oui, son band, c'est ça. Donc voilà, Emily Haynes. Du côté francophone, eh bien, on a entendu L'Omépale. Et Mathieu, laisse-moi te dire. Il n'y a peu d'informations sur l'artiste sur les internets. Oui, il y en avait des tonnes, je les ai sautées parce que, bon, on connaît quand même bien Emily Haynes, mais... Oui, exactement. En fait, je dirais que du côté francophone, c'est assez difficile de pouvoir trouver de l'information sur nos deux derniers artistes. Quoique, il est français, et si jamais vous voulez acheter de ses produits, ben son site internet est rempli. Il y a juste ça. Il y a juste ça. Dessus. Avant ça, en 20e place anglophone, c'était Teen Anger. Ça aussi, c'est un groupe quand même assez méconnu. Leur album s'appelle, comme je disais tantôt, Teenager. La pièce Fun Forgot, pas mal tout ce qu'on sait, là, je dirais, qui est important à savoir, en fait, qui est pertinent, c'est de savoir que c'est un groupe de Toronto en Ontario. Et du côté francophone, eh bien, on a entendu Vanity Song de l'album qui porte le même nom du band, ou du gars, du moins, Rudy Bernard, qui faisait partie autrefois des Incendiaires. C'était bon, ça, les oui, Incendiaires, on s'appelle. Bon. Ah, il reste encore d'autres nouvelles entrées en 18e place anglophone. Plus tard, il y aura Trailer Trash Tracy's avec une pièce d'album Althea qui s'appelle Sibencas. Mais on fait un retour dans le passé. On retourne aux sources des palmarès avec Rosie Vallant et Synchro. On l'aime d'amour tout de suite. Au palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Mm-hmm. Thank you.

J'ai eu Trash Tracies avec Sibenkas sur l'album Althea Trailer Trash Tracies. C'est le nom du band. C'est un drôle de nom. Ouais, un peu, hein? Mais c'est cute. Quand même, ça fait white trash. On absolument. Ça, bref. Trailer Trash Tracies, c'est un groupe de rock dream pop expérimental originaire de Londres, en Angleterre. Et du côté francophone, eh bien, on la connaît bien parce que c'est une fille qui a déjà fait partie des palmarès francophones ici au 89 FM qu'on a adoré. On l'a aussi vu en spectacle il n'y a pas extrêmement longtemps, si je me souviens bien, à Trois-Rivières. Ouais. Donc, c'était Rosie Vallant avec Synchro de l'album qui porte encore une fois le même nom. C'est une constance chez les artistes francophones, voilà. Je pense. Il nous reste encore trois nouvelles entrées. Il nous en reste une seulement du côté anglophone. Donc, plus tard, il y aura Aaron D'Alessio avec Destroyer sur l'album homonyme Aaron at Aaron D'Alessio. Hey. En anglais, il y en a qui disent D. Alessio. C'est vrai. Mais bon, on sait pas. Okay. On va lui demander. Hein? Et du côté francophone, il reste deux nouvelles entrées encore. Mais on va écouter en premier lieu Nicolet, et non pas la ville, mais bien le band, oui, oui. Avec la pièce La Mystification. Tout de suite dans les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Mm-hmm. On joue à Nicolet, je pense. Hey, bon sandwich. Bon, sandwich, on dirait une ville, la ville de sandwich. La ville de sandwich, c'est ouais. À côté de Champagne. C'est ça, Champagne. Shooter! Shooter! See you. 89.1 FM. Thank you. Tes bras comme une muraille. Nouvelle entrée en position numéro 16 du côté francophone sur l'album Désherbage. Au palmarès, c'est fou, bien sûr. Évidemment. Et avant ça, on a entendu... Aaron D'Alessio avec Destroyer, qui est en position numéro 17 anglophone sur l'album qui porte son même nom. Et j'étais en train d'aller voir M. D'Alessio, qu'est-ce qu'il a fait à part de très, très bonnes pizzas. Oui, qu'est-ce qu'il fait, Mathieu? Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Plein de choses. Il est avec Paperbag Records. C'est sa compagnie, la compagnie qui édite son album. Mm-hmm. Et sinon, c'est un homme de l'Ontario. Il vient de Hamilton. D'accord. Et c'est pas mal ce qu'il y a d'intéressant dans son très, très, très long communiqué de presse. Et au début, on a commencé tout ça avec Nicolet, et je vous le disais tout à l'heure, pas la ville, mais bien le band, avec la mystification de l'album Hochelaga. Donc, clairement, on aime voyager pour ce band-là. Oui. Exactement. Je pense que c'est chose maintenant dite. Et voilà. Donc, nos nouvelles entrées sont maintenant complétées. On va pouvoir dire au revoir aux pièces qui nous ont quittées demain à l'émission, dans la prochaine portion, la portion Mishmash. Mm-hmm. Pendant ce temps, il nous reste encore une petite quinzaine, donc allons entendre des pièces qui sont dans le bas des palmarès, mais au-dessus des nouvelles entrées. Donc, plus tard, on aura Slates et Hooded Fang en anglophone, mais on va commencer en 15e position franco. Eh bien oui, c'est ça faux. Va être... C'est faux, on va commencer en 16e anglo. T'as bien raison. C'est moi. C'est mon erreur. C'est toi, c'est ton tour, Mathieu. On écoute Hooded Fang avec Queen of Aguasan del Norte. Tout de suite au palmarès, c'est fou. Hein? Au 89.fm. C'est ça. and this is something wellness. Avec la pièce Yellow Knife, position numéro 15, qui descend de 5 places en anglophone. Et du côté francophone, eh bien, on a entendu Fria Moeras avec La peur des animaux. On aime ça, le petit accent. Ah, ah, on adore ça. Et on a débuté avec Hooded Fang et Queen of Aguasan del Norte sur leur album Dynasty House. Ça descend de 3 places. C'était nouveau il y a 6 palmarès de cela. Mm-hmm. Il nous reste très peu de temps, donc on se faufile une dernière petite pièce très très courte. C'est la position numéro 14 francophone. Eh bien, oui, on a monté de 4 positions depuis la semaine dernière. Je parle de Betrayer avec les étoiles. Au palmarès, c'est fou! Au 89.5! Thank you. Fumiap, avec Wolf and Plath, descend de la 5e à la 14e position francophone. Et du côté francophone, on a entendu Betrayers avec Les Étoiles. Voilà, c'est tout pour la portion Nouvelles Entrées des Palmarès Fous. On se retrouve en semaine, lundi au jeudi, entre midi et 13h, en rafale, édition week-end, les samedis, entre midi et 16h. Sif.ca, assemblagerequis.com. Merci, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. À bientôt. Bye. Bye.